Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'ours cannelle mort d'un fossile. Le 1er novembre 2004 se produit dans les Pyrénées un fait divers pas comme les autres. Le coupable est un chasseur, l'arme du crime un fusil. Mais la victime n'est pas un être humain, non, c'est un ours brun. Une ours brune, plus précisément, car c'est une femelle, dénommée cannelle. Il n'y a pas mort d'homme, donc. Et pourtant, il y a une autopsie du corps. Oui, et les suspects sont interrogés, figurez-vous, mis en examen et condamnés. On parle même d'assassinat, de préméditation, de légitime défense. Et la France se déchire sur cette affaire. Des Pyrénées jusqu'à l'Élysée, cannelle déchaîne les passions. Certains la pleurent, d'autres rappellent avec agacement que ce n'est qu'un animal. Mais si la mort du plantigrade fait réagir, c'est d'abord parce que la France assiste depuis des années à la disparition de l'ours des Pyrénées. C'est ensuite parce que cannelle était la dernière représentante de la souche pyrénéenne de son espèce. Les ours bruns peuplent ces montagnes depuis des siècles. Avec la disparition de cette femelle, leur lignée s'éteint définitivement. Double peine. Notre invité aujourd'hui, Jean-Jacques Camara, ancien chercheur au Centre National d'Études et de Recherches Appliquées sur les Animaux Prédateurs, fondateur du réseau Ours Brun de l'Office National de la Chasse en 1983, réseau dont il a été responsable jusqu'à l'année dernière. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Romain Weber, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles. Sur France Inter. René Marquez est arrivé en fin de matinée. Visiblement, il n'avait pas dormi. Il avait l'air très marqué. Il regardait sans cesse, enfin régulièrement derrière lui. Ses mains tremblaient. Comme s'il s'attendait à ce que l'ours surgisse, encore une fois, ou quelque chose comme ça. Il était visiblement terriblement marqué. C'était un homme ébranlé. J'ai rarement vu des gens ébranlés comme ça. Pour moi, si cet homme-là a joué ce jour-là, c'est Robert De Niro, c'est l'acteur studio. Quoi. Éric Belli, que vous venez d'entendre, est journaliste à la République des Pyrénées. Il nous parle d'un certain René Marquez. En tout cas, mon confrère se souviendra longtemps de ce 2 novembre 2004. Ce n'était pas prévu, mais ce jour-là, il a fallu qu'il prenne la route tôt en direction des hauteurs du Béarn, direction Urdos, le village le plus haut perché de la vallée d'Aspe. Urdos, quelques dizaines de maisons, crépies humides et aux toits en ardoise, à l'ombre de montagnes que l'automne a rendues grises. Il faut être bon marcheur pour suivre les gendarmes et les témoins jusqu'au col du Couret, là-haut, à 1296 mètres d'altitude. C'est une forêt de hêtres et de sapins que l'équipe sillonne jusqu'à un sentier étroit au bord d'un précipice. En contrebas, il y a les gorges d'enfer. Et en suivant des yeux le cours du Sesquet, on distingue dans l'encaissement de la vallée le fort du Portalet à la confluence avec la gave d'Aspe, là où Blum et puis Pétain ont été enfermés pendant la guerre. Dans le ciel, des vautours font des ronds. C'est ici, dit René Marquez. C'est ici que je l'ai tué. René Marquez. Cet homme a une soixantaine d'années au moment des faits. Il porte une casquette verte, un pull kaki et un pantalon de velours. Il tient à la main un bâton de berger. Il se laisse tomber dans l'herbe sèche, le regard ailleurs, et répond mécaniquement aux gendarmes. Où êtes-vous tombé? Là, dans le précipice. Où était-elle? Là-bas, 40 mètres. D'où avez-vous tiré? D'ici. Une balle. Juste une balle. Il est effondré, René. Et pour cause, la veille, pendant une battue, il a tué cannelle, la dernière ours de souche pyrénéenne. Il ne se doutait pas, en partant chasser, que deux jours plus tard, Jacques Chirac parlerait de lui en Conseil des ministres. Effectivement, le mercredi 3 novembre au matin, le président évoque le drame. L'actualité est chargée pourtant. La veille, George Bush a été réélu à la présidence des États-Unis. Yasser Arafat se meurt dans un hôpital de Clamart. Une grande perte pour la biodiversité, déplore le président. En parlant d'ours. Car en 2004, la chasse aux plantigrades n'est plus dans l'air du temps. C'était un ours qui faisait très dégâts dans les Pyrénées, ici. Et il avait tué pas mal de moutons, je crois dans les 200. Alors on a organisé une battue autour du Val d'Estaing. Il s'est sauvé, il est parti de sa tanière, il s'est échappé à travers le bois, en hauteur de, tout à fait en bordure du bois. On est monté en haut du bois, d'un coup j'ai entendu un ronflement, j'ai dit à Guido, râle le temps, monsieur, le voilà. Et l'ours, il commençait à pédaler, moi je commence à le viser, je lui tire un coup de fusil, l'ours il se dresse debout, il a des hurlements terribles, alors j'ai tiré le deuxième coup de fusil, troisième coup de fusil. L'ours est tombé raide, il me passait à 50 cm de moi. En roulant, j'ai vu qu'il était mort. Si cet homme parle si ouvertement d'un ours qu'il a abattu dans les années 40, près du lac d'Estaing, dans les Hautes-Pyrénées, c'est qu'à l'époque, la chasse à l'ours n'était pas interdite, elle était même encouragée. L'ours, comme le renard, le loup, le sanglier et même le lapin, étaient considérés comme nuisibles jusqu'en 1947. Les bergers se défendent ainsi de la terrible bête brune, comme ils l'appellent. Parce que un troupeau, c'est 10 ou 12 vaches ou une vingtaine de brebis, et si l'ours dévore une ou deux bêtes, c'est toute l'économie de la famille qui vacille. Alors l'éliminer a le double avantage de rendre service à la communauté, paraît-il, et de régler ses comptes. Au poison, au fusil, à l'arme blanche, qu'importe, le tueur devient un héros. On lui verse des primes, il se balade de vallée en vallée, exhibant sa prise sous les acclamations. Il vend la tête et les pattes pour en faire des trophées, la chair pour en faire du pâté. Il ne reste plus que la graisse, vendue au prix fort pour ses supposées vertus contre la chute des cheveux. Et la peau que le chasseur triomphant cloue à son mur. Tuer un ours au 19e siècle et jusque dans les années 40, c'était gagner en une fois ce qu'un instituteur gagne en un an. L'ours, on l'appelle loup moussu, le monsieur en occitan, ou loup d'escaimous, le va-nu-pied. Deux surnoms qui montrent l'ambivalence des Pyrénéens à l'égard de leurs fauves. La fierté de partager leur terre avec un seigneur aux allures si humaines, et la haine de voir l'animal faire de leurs brebis et de leurs veaux son repas de gala. Des Vosges, l'ours a disparu il y a bien longtemps. Comme du Massif central, où il a été chassé au début du 19e siècle. Idem pour le Jura, quant au dernier ours des Alpes, il est mort en 1937. Il n'y a donc plus que les Pyrénées qui, en France, abritent encore quelques individus. Mais pour combien de temps? On en compte 150 au début du 20e siècle, 70 en 1954. Du Pays Basque aux Pyrénées orientales, les montagnes se vident de leurs fauves. Alors, devant cette disparition programmée, l'État décrète l'interdiction de la chasse à l'ours en 1962. Mais des siècles de tuerie ont profondément enraciné l'hostilité à l'égard de cet animal. En 1965, France Inter s'entretient avec le maire de Licques-Athéré, dans les Pyrénées-Atlantiques. J'ai des bergers de Licques-Athéré là-haut, précisément à Ligolette, qui sont montés aujourd'hui et qui m'ont demandé si l'ours vient nous rendre visite, que devons-nous faire? Ben, écoutez, je vous donne un quartier libre, faites ce que vous pourrez. Et quel est le quartier libre que vous leur avez donné? Évidemment, le berger n'a pas le droit de tirer sur l'ours, n'est-ce pas? Bien entendu. Et alors, faut-il qu'il regarde l'ours dépecer ses bêtes? Eh bien, si le berger a les bras assez costauds, s'il peut se permettre de l'étrangler, eh bien, je pense que personne ne lui en voudra. Les chasses sont maintenant clandestines. Les stations de ski se multiplient, les routes aussi. Alors, l'ours perd du terrain. Il disparaît sans faire de bruit, il se cache pour mourir. Il n'y a plus qu'une trentaine dans les années 70 et une vingtaine quand, en 1982, François Mitterrand propose un plan pour la sauvegarde de l'espèce. Le bétail perdu est indemnisé, les bergers ravitaillés par hélicoptère, équipés de radiotéléphones. Mais ces mesures sont décidées à Paris et ne sont pas vues d'un bon œil par les montagnards. N'essaie-t-on pas de les acheter ? Quoi qu'il en soit, les efforts de l'État sont trop tardifs et bien insuffisants. Au début des années 90, il n'y a plus que 7 ou 8 ours, tous cachés dans les vallées d'Aspe et d'Ossau dans le Béarn. Alors que les Français s'indignent du sort des éléphants du Mozambique et des tigres du Mayal, plus que quelques années, l'ours brun aura disparu de leur propre territoire. Alors, il n'y a plus le choix, il faut réintroduire des ours. France 2 en parle dans son journal en mai 96. Et puis l'ours aussi est de retour dans les Pyrénées. Un premier ours brun de plus de 100 kilos a été lâché tôt ce matin dans la montagne, arrivé tout droit de la Slovénie où il avait été capturé hier. J'y vais, la femelle de 6 ans et 104 kilos est suivie par une balise argos, et puis une compagne ou un compagnon venu également de Slovénie la rejoindra dans quelques semaines. Sur place, les élus locaux veulent déjà créer un parc de vision de l'ours pour attirer les touristes. Certes, beaucoup d'entre eux ne verront pas les animaux, mais répond le maire de la commune, tous les pèlerins qui vont à Lourdes n'ont pas droit à une apparition de la Vierge. Et c'est d'abord Ziva, le 19 mai 1996, une femelle slovène. Puis Melba, le mois suivant. Et Pyros, un gros mâle, l'année d'après. Tous les trois en Haute-Garonne, à côté de la frontière espagnole, ont été réintroduits. Les deux femelles sont enceintes. Et ce ne sont donc pas trois ours qui repeuplent les Pyrénées centrales, de la Bigorre jusqu'au Canigou, mais huit avec les oursons. Huit de trop pour presque tous les éleveurs. Car partout où ils passent, les ours provoquent colère et désolation chez les bergers. Dans le Béarn, dans les Hautes-Pyrénées, en Ariège, c'est toujours le même spectacle. Les vautours montrent le chemin, ils picorent une carcasse dans la boue et s'envolent gauchement quand le berger approche, le nez dérangé par l'odeur putride. Il découvre sa brebis déchiquetée, les pattes arrachées, les yeux percés. Le spectacle lui crève le cœur et lui fait monter la rage. D'un coup de patte, l'ours a égorgé le bovidé. Il a croqué les meilleures parties, le foie, le cœur, les poumons et les mamelles. Et il a repris son chemin, repu, laissant la place aux charognards. Alors le berger appelle le parc national des Pyrénées pour faire constater les dégâts et être indemnisé. Il passera les prochaines nuits à veiller, surtout les mauvaises nuits de pluie et de brouillard. C'est dans cette ambiance que l'ours, malin, attaque le plus souvent. Vous voyez bien que c'est un tueur. Alors pourquoi n'a-t-on pas le droit de le tuer? Ah, s'il n'y avait plus d'ours, confie André Noucré, éleveur à l'Esquin, dans les Pyrénées-Atlantiques, je dormirais tranquille. Ceux qui le défendent, ils devraient venir le matin du massacre. Le spectacle n'est pas très joli, vous savez. Même son cloche à borse, dans le Béarn, chez Lucien Sayersnadé. L'ours est la bête noire des bergers. S'il n'en reste qu'un, ce sera toujours un de trop. Les Pyrénées seraient aussi belles sans eux. Et pourtant, la réintroduction a été un succès. Mais cette colère pastorale assombrit sérieusement le tableau, à l'image de ce que dit cet éleveur à Barège, dans les Hautes-Pyrénées, en 2001. Dès lundi, si des mesures ne sont pas prises par les pouvoirs publics qui portent la responsabilité de cette réintroduction, les éleveurs ici nous poussent et nous les soutiendrons à faire le ménage nous-mêmes. Si le ménage n'est pas fait par les pouvoirs publics, c'est les éleveurs qui feront le ménage eux seuls. Et pourtant, l'ours est responsable de peu d'attaques. À l'été 2001, sur les 6 départements, il a tué 331 brebis sur 573 000, soit 0,06% des bêtes. Le problème n'est donc pas financier. Mais dans les Pyrénées, on est éleveur ou berger de père en fils. Pas facile de protéger les ours quand on a eu le cerveau lavé par le paternel qui n'a cessé de dire à quel point l'ours était dangereux et de raconter les exploits des chasseurs. Et la colère est grande contre ceux qui l'ont réintroduit. Les montagnards se sentent dépossédés de leur territoire. En témoigne cette banderole, en tête d'une manifestation d'éleveurs à Foix, en 99. Aujourd'hui les ours, demain les loups, et nous. Les Pyrénées ne sont pas un zoo géant, c'est un espace de vie. C'est une économie, disent les opposants à l'ours. Et ce prédateur n'y a pas sa place. À cette époque, ce qu'un néologisme appelle aujourd'hui le spécisme a la vie dure. Il s'agit de cette idéologie qui affirme la supériorité de l'homme sur toute autre espèce. Il estime, l'homme, que l'écosystème, végétal comme animal, est à son service, en d'autres termes et en l'espèce, si je puis dire, à l'économie d'un territoire. Mais tous ne raisonnent pas comme ça, et notamment cet agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Une trace d'ours là qu'on n'avait pas vue en montant parce qu'on était dans le mauvais sens, on n'était pas dans la direction de la trace. Et là, l'ours, il a posé la patte à côté d'un caillou, il glisse, et donc il y a la trace du glissement des deux pattes, et puis la trace au fond là, qui est bien marquée, on voit bien les cinq doigts, la paume, et puis devant, à un centimètre devant à peu près, les traces des griffes devant la patte. Donc là, à l'arrière, on a une patte avant, et devant, on voit pas bien, mais ça doit être la patte arrière. En fait, il a dû glisser, se retenir un petit peu, et donc la patte arrière est venue s'arrêter un peu après. Et à chaque printemps, c'est la résurrection. Les ours ont passé des mois au ralenti au fond de leur tanière. Voilà qu'ils se réveillent et cherchent à reprendre leurs forces. Alors, les montagnes du Haut-Béarn voient apparaître, sur la couche de neige qui les recouvre encore, d'interminables chapelets d'empreintes. 5 doigts avec de longues griffes, une moitié de paume pour les pattes avant, la plante des pattes arrière bien imprimée dans la neige. C'est un moment rêvé pour Jean-Jacques Camara, habitant de la vallée d'Aspe, passionné par les ours. Ce naturaliste a fondé en 1983 le réseau Ours Brun, au sein de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, le ROM, comme on l'appelle. Avec ses collègues, il cherche la trace des ours dans les Pyrénées, les crottes, les poils, les prédations. Rien qu'aux empreintes, Jean-Jacques Camara sait quel ours il s'agit. S'il y a 2 cicatrices à la patte antérieure gauche, c'est Papillon, le vieux mâle, la mascotte du Béarn. Les pattes asymétriques, ce sont celles de Casimir. Les petites, avec les paumes larges, c'est Juliette. Mais il y en a d'autres que Jean-Jacques Camara n'arrive pas à identifier. Alors, il entreprend dans les années 90 de construire un trombinoscope des derniers ours. Il place sur leur chemin des appareils photo détecteurs de mouvement. Et un jour de juin 1994, les photos qu'il développe lui montrent un nouvel ours, une femelle. Il la baptisera Cannelle. Interrogé par Irène Omelenko pour France Culture, il se souvient. C'est une ours donc que j'ai baptisée en 1994, où elle était donc en compagnie de l'ours Papillon. Ils étaient en période de rute, donc ils se suivaient sur un chemin et j'avais eu des photos d'appareils automatiques où j'avais une photo à 21h03 ou 04 de Cannelle et à 21h07 de Papillon derrière qui suivait dans le même sens. Donc je dis tiens, ah, une femelle, un mâle. Bon. En 1995, donc, elle nous a donné un ourson avec des magnifiques photos et bon, l'histoire a commencé là un peu. Quoi. 72 cm au garrot, pas plus de 75 ou 80 kg, Cannelle est une petite ours. Sa fourrure est claire sur le corps et plus foncée sur les pattes, comme si elle portait des chaussettes. Elle est très discrète. Pour la voir, il faut avoir de la chance. C'est une compagne récurrente du vieux Papillon. Elle et lui sont les Listeller et Richard Burton des derniers ours pyrénéens, un couple mythique. De leur accouplement sont déjà nés 2 oursons, 2 mâles, en 1995 et en 1998. Elle et lui constituent le dernier espoir de la souche pyrénéenne. Cannelle est en effet la dernière ours femelle de sa lignée. Et en juillet 2004, elle qui n'a jamais papillonné, toujours fidèle à son papillon, devient veuve. Il gisait au bord d'une rivière, en position fœtale. Le doyen des ours bruns, l'un des rares autochtones des Pyrénées, a été retrouvé mort dimanche près de la commune de Chaise. Il avait les dents très usées, il était à moitié aveugle. Et au niveau de l'autopsie proprement dite, on a juste découvert des lésions hémorragiques de la vessie. Une mort a priori naturelle qui a ravi les éleveurs de la région, excédés par le prédateur des troupeaux de brebis non gardés. Papillon laisse derrière lui une quinzaine de congénères, dont seulement 5 femelles. Sans une nouvelle réintroduction du plantigrade, l'ours brun risque de disparaître d'ici une centaine d'années et ainsi d'entrer dans la légende des Pyrénées. En ce même été 2004, les traces dans la vallée d'Aspe font penser que l'ours Cannelle a un nouvel ourson. Vu qu'il s'agit de la dernière femelle pyrénéenne, mieux vaut s'en assurer et prier pour que le petit soit une femelle. D'autant que Cannelle a une douzaine, quinzaine d'années et qu'une ours ne vit généralement pas plus de 20 ans. Alors Didier Mellet, garde du parc des Pyrénées, commence à la pister. Là où elle passe, il relève des poils accrochés aux ronces et comprend ses itinéraires. Puis il se place à des endroits stratégiques et il attend. Le 26 août 2004, à 20h08 exactement, après 6 jours de patience, entre 2 nappes de brouillard, il la voit. Elle est là, Cannelle, à 4 pattes au milieu des fougères et des ronces, elle mange des baies parfaitement cool. Au-dessus d'elle, à quelques mètres, effectivement, il y a un ourson. Un sursis miraculeux de plus pour l'espèce. Le petit la regarde, dressé sur ses pattes arrière, attrape quelques murs suspendus. Ah, c'est un mâle. Dommage. Vite allongé dans l'herbe, Didier Mellet saisit sa caméra et capture l'instant. C'est la première fois qu'il voit un ours des Pyrénées. Il essaie tant bien que mal de retenir son souffle, conscient qu'il assiste à un spectacle rare, un moment qui vient d'inventer le concept de fossile vivant. Deux mois plus tard, le samedi 30 octobre 2004, on signale au réseau Ours Brun la présence de Canel et de son petit au-dessus du village d'Urdos, dans la vallée d'Aspe. Gérard Cossimon, qui travaille au ROB, et trois de ses collègues se rendent sur les hauteurs. Il y a effectivement des crottes d'ours adultes et d'oursons, dont certaines toutes fraîches. Et il y a par endroits de l'herbe couchée sous les sapins, dans la zone du col du Gouret. Gérard Cossimon, une fois redescendu vers Urdos, rencontre Francis Claverie, un chasseur du village. Il le prévient de la présence de l'ours et lui demande de ne pas chasser dans la zone. En 1994, les fédérations de chasse des Pyrénées ont signé une charte qui les engage à ne pas faire de battue là où la présence de l'ours a été relevée. Gérard Cossimon téléphone ensuite à Jean-Jacques Camara, qui prévient de son côté la fédération de chasse. Mais le lundi 1er novembre 2004, les chasseurs d'Urdos y sont allés quand même. Où allez-vous, papa loup? Chapeau mou, médaille au cou. Vous a-t-on nommé shérif des montagnes et des récifs? Non, mon fils, j'ai pris un bain. Chaussée, guêtre, canne en main, je m'en vais rendre hommage au roi. Si tu veux, viens avec moi. En Orignan n'est qu'à cajou, moi je ne connais roi que vous. Peigne plutôt tes poils fous et suis-moi à pas de loup. Ils ont marché quatre lieues, arrivés près d'un torrent, sauvage et débordant, de cris et de chants d'adieu. Bonjour sire, c'est moi le loup. Voyez-vous, m'entendez-vous? Je suis venu à travers bois vous saluer comme il se doit. Il se tient droit, salue l'ours qui a la patte dans le piège, plein de sang dessus la mousse, tombe la première neige. Le petit loup est ému, voudrait rentrer chez lui. Le gros ours, le gros poilu, prend sa main et dit merci. Ils sont revenus de nuit à travers boulot joli. Le plus vieux marchait devant et pleurait abondamment. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Je ne comprends pas, et je comprends encore moins dans la mesure où ils ont été prévenus de la présence de cette femelle stourson, dont moi-même j'ai repéré les indices samedi, et qu'en suivant la procédure de l'institution patrimoniale, ils ont été prévenus officiellement de la présence de cette femelle dans ce secteur, qui est un secteur refuge, dans une zone difficile, escarpée, où effectivement une femelle défendant un ourson effectivement pouvait être acculée. Et pourtant, ce lundi 1er novembre 2004, Francis Claverie, René Marquez et quatre de leurs amis sortent chiens et fusils. L'endroit où ils vont, ils le connaissent comme leur poche. Ils sont tous d'Urdos ou de villages voisins. Ils sont nés dans ces vallées. Et jamais de mémoire de Béarnais, cet endroit n'a été habité par un ours. Si on a vu une femelle et son petit deux jours plus tôt, ils ne peuvent être que de passage, et il y a toutes les chances pour qu'ils soient déjà loin. Et s'ils sont toujours dans le coin, eh bien, des aboiements de chiens auront-on fait de les faire déguerpir. C'est un formidable secteur pour tirer des sangliers et des chevreuils. Ce serait dommage d'annuler ce rendez-vous entre amis. Alors, les chasseurs se retrouvent au pont de la gare d'Urdos qui enjambe le gave d'Aspe. En face, il y a un sentier bordé de fougères qui s'enfonce dans la forêt en montant vers le col de Rouglan. C'est là que la trace commence. René Marquez marche avec Milou, son fox terrier. Il se souvient au micro de France Culture. Si vous voulez, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Voilà, c'était le 1er novembre. On fait une battue au chevreuil, au sanglier. Première traque, on démarre la gare d'Urdos jusqu'à la gare au Rouglan. La première traque, on sort un chevreuil qui est abattu à la cabane du Rouglan. Ça faisait 2 mois que la chasse était ouverte. Quelqu'un de la fédération nous avait averti, mais méfiez-vous, vous avez un ours dans un secteur du Bendous. Mais l'ours ne reste pas dans ce secteur, il se promène. Il y a des touristes tout le temps. Au bout du sentier, il y a une vieille cabane de pierre sèche dans une clairière. Les chasseurs ont l'habitude d'y manger un morceau. Et c'est donc de cet endroit que les 6 amis repartent pour une 2e battue dans un autre secteur. 4 chasseurs se postent en haut. Francis Claverie, lui, tient le rôle du traqueur en contrebas avec la plupart des chiens. René Marquez est un peu au-dessus de lui, avec Milou, dans un couloir étroit bordé d'un précipice de plusieurs centaines de mètres. Si le gibier se présente, il ne pourra pas le rater. Alors il guette. Autour, c'est le silence. Jusqu'à ce que les chiens aboient là-bas, au loin. Puis résonne un coup de feu, puis un deuxième, et un cri. C'est Francis Claverie. L'un de ses chiens a reniflé quelque chose derrière un buisson. Le chasseur s'approche, les yeux et le canon pointés vers l'endroit où les fourrés s'agitent. Pour un sanglier, c'est un gros sanglier, pense-t-il. Mais non, ce n'est pas un sanglier, c'est un ours. C'est Canel. Ni une ni deux, l'animal attrape le fox serrier avec une patte et l'engloutit. Le chien hurle à la mort. Claverie, terrifié mais lucide, lève son canon vers le ciel et tire une balle. Canel recrache le chien mal en point et s'éloigne en courant d'un pas mal assuré. Mais à peine a-t-elle fait quelques mètres que subitement elle se retourne. Elle regarde le chasseur un instant de ses yeux noirs et elle charge. Francis Claverie a le canon pointé vers elle, le doigt sur la détente. Il peut tirer à tout moment. Mais elle s'arrête d'un coup à 3 ou 4 mètres seulement du chasseur. Et là, elle se lève sur ses pattes arrière, gronde en laissant découvrir des crocs acérés sur ses babines retroussées. Le chasseur redresse son canon et tire une nouvelle fois en l'air. Et Canel s'enfuit, définitivement. Francis Claverie en est quitte pour la frayeur de sa vie. Vite, il remonte comme il peut le sentier jusqu'à la cabane. Il est blanc comme un linge. Il retrouve ses amis à leur poste de chasse et leur raconte, en tremblant. Il les retrouve tous, oui. Tous, sauf René Marquez, qui témoigne à son tour. J'entends un coup de feu, puis un deuxième et un cri. Et moi, j'étais toujours à mon poste. Bon, 10 minutes, un quart d'heure après, j'entends un petit bruit. Je me lève sur... parce que c'est un couloir. Et je vois passer... Hop, je dis, un petit sanglier. Et je me présente comme ça, dans le couloir. Je vois l'ours, il était contre la falaise. Le petit chien, en entendant le bruit, il va vers le petit ourson. Et je recule. Et elle a chargé le chien, mais il m'a chargé en même temps que moi. René Marquez se retrouve donc nez à nez avec Canel face à lui. Elle feint une charge encore une fois, puis se retourne vers son ourson, avant de se tourner de nouveau vers le chasseur et de le charger une 2e fois. Encore une feinte. René Marquez recule de 7 ou 8 mètres. Derrière lui, il y a le précipice. S'il tombe, il dévalera la pente sur 300 ou 400 mètres. Le chasseur est entre l'ours et le vide. Devant lui, une mort possible. Derrière lui, une mort certaine. Il a son canon dirigé vers Canel, le souffle court. Milou aboie, tout va. Quand Canel, affolé, charge pour la 3e fois, René Marquez tombe à la renverse, juste au bord du ravin. Dans sa chute, il fait valdinguer sa casquette et son fusil. Il est allongé, là, le chien sous son ventre. D'un coup de patte, Canel peut l'envoyer valser dans le précipice. Alors il repère un talus à 3 ou 4 mètres en contrebas. Il rampe, se laisse tomber. Là, Canel ne le voit plus. Alors il attend. Coincé sur sa niche, il appelle un des autres chasseurs au téléphone. « Je suis gardé par l'ours », lui dit-il tout bas. « Ne panique pas », lui répond l'autre. « On arrive ». René Marquez a le temps de cogiter. Il sait ce que lui en coûterait s'il appuyait sur la détente. L'ours fait des va-et-vient au-dessus de lui. Il entend ses grosses pattes et son souffle rauque. Et puis plus rien. 30 minutes, peut-être 3 quarts d'heure, passent. Les autres chasseurs ne sont toujours pas là. Mais René Marquez remonte du précipice jusqu'au sentier. Il a récupéré son fusil. Canel n'est plus là. Je suis sauvé, se dit-il en respirant. Mais non. L'ours est toujours là, derrière un buisson. Elle l'attendait. Elle se plante sur ses deux pattes, les oreilles dressées, les yeux fixés sur le chasseur. René Marquez prend peur, il accélère le pas. Puis il entend, derrière lui, l'ours chargé, en grondant. Il court maintenant. J'ai fait comme un souci. Vous savez, je m'en allais comme ça, en courant. D'instinct, hein, je n'ai pas visé, j'ai rien fait. Je vous le dis, je l'ai tiré à 5-6 mètres. Et alors qu'on me traite d'assassin. Elle a fait un cri et un tonneau, je ne me rappelle plus de rien. J'ai repris un peu de... J'avais les jambes, oui, en compote. Je me demande comment j'ai pas fait dans le cas de suite. Peu importe. Mais je n'ai pas pu m'échapper, je n'ai pas pu faire de moins. C'était elle ou moi. Si j'avais pu la protéger, j'aurais fait. Je ne pouvais pas. Je ne suis pas un assassin pour autant. J'ai fait qu'un défendre ma peau. C'est tout. Quand les autres chasseurs arrivent, René Marquez est assis sur un caillou, la tête entre les mains, le fusil entre les jambes. C'est la première fois que ses amis le voient pleurer. « J'ai tiré sur l'ours », leur dit-il. Alors on alerte la gendarmerie, pas un ne s'y oppose. Canel, elle est tombée dans le ravin. Il est 18h quand les gendarmes la retrouvent 250 mètres plus bas, en boule, morte. La balle lui a brisé les côtes et a transpercé l'artère fémorale gauche. Les vautours lui ont déjà attaqué le ventre, les babines et les paupières. Il fait nuit, les chasseurs redescendent. Dans les fourrés, ils entendent des cris déchirants. L'ourson cherche sa mère. René Marquez se remet à pleurer. Le lendemain, la carcasse de l'ours était litreillée, transportée vers les congélateurs de l'école vétérinaire de Toulouse. La dernière ours des Pyrénées quitte son territoire. Les habitants l'aperçoivent quelques secondes au fond d'un fil rouge. Elle est raide et tordue à la fois. Il n'y a plus une seule femelle de souche pyrénéenne. Fin des races. Seize ans plus tard, la famille Marquez se souvient de la suite des événements. Elle n'oubliera pas ces tags « chasseurs gros cons » inscrits en lettres rouges le long de la Nationale 134 qui remonte la vallée. René se souviendra de la déclaration de Jacques Chirac en Conseil des ministres et du téléphone débranché pendant une semaine pour éviter les coups de fil des journalistes de toute la France. Des insultes. Des cartes postales, à chaque 1er novembre également, qui traitent René Marquez de lâche. Des petits cercueils qu'il a reçus chez lui... de ses petits-neveux qu'on traitait d'assassins dans la cour du collège de Bédou. L'amertume de René Marquez. L'ours compte pour beaucoup, mais l'être humain ne compte pas pour grand-chose. Certains vous auraient préféré que je sois à la place de Canel. Ça vous marque la nuit. Vous dormez pas. Vous cogitez. La famille aussi. Ça fait pas plaisir. Les associations écologistes, VVF en tête, ne le lâchent pas jusqu'en cours de cassation. Ils s'en tirent avec une amende de 11 000 euros en 2009. Légitime défense. Aujourd'hui, le maire d'Urdos, Jacques Marquez, le neveu de René, reçoit toujours des menaces à la mairie. Ainsi se termine cette histoire qui aura fait 2 victimes, l'ours et celui qui a eu sa peau. Elle était reine de nos montagnes, humble matrone, au fil des âges, son pelage était sa couronne. Elle était gardienne des ruisseaux, attirée par le reflet de la lune sur l'eau. Elle était l'héritage d'un monde si ancien que les loups face à elle aboyaient comme des chiens, contemplant les sommets et les neiges éternelles. C'était le royaume de Canel, dernière ours femelle d'une grande lignée, digne représentante de nos belles Pyrénées. Sur ces 12 contrées où les vaches font paître, l'être humain a chassé ses ancêtres. Des siècles d'écocides, de battus, sous le regard inquiet des chipaètes barbus. Était-ce la suite logique ou le destin peut-être? Bientôt Canel allait disparaître. Elle était reine de nos montagnes, mais le monde n'avait plus besoin d'elle. Entre la France et l'Espagne était le royaume de Canel. Elle a vu pousser les villages, s'échapper les lourdes fumées blanches des éco-buages. Elle a vu la Bigorre devenir ce qu'elle est, des câbles et des pylônes traverser la vallée. Apeurée par le chant des clarines, partout des pâturages, des enclos, des prairies. Seule face au danger de perdre sa couronne, de plus en plus de bergers pour nourrir les hommes. Puis d'immenses barrages se dressèrent autour d'elle, créant des paysages de lacs artificiels. Des routes par centaines, des baraques à touristes, des trous dans la falaise pour faire des raccourcis. Elle a contemplé le désastre, déplorant le silence des oiseaux dans les arbres. À l'ombre des reliefs, des pasteurs en errance, Canel, combien d'espèces disparaissent en silence. À l'ombre des reliefs, des pasteurs en errance, Canel, combien d'espèces disparaissent en silence. Elle était reine de nos montagnes, mais le monde n'avait plus besoin d'elle. Entre la France et l'Espagne, il ne restait que vous, au revoir notre reine. La folie est humaine, un point de non-retour. Ils ont réintroduit quelques ours slovènes. Votre espèce est finie, éteinte pour toujours. Quand sous les yeux de votre ourson, victime d'un chasseur et des valeurs qu'il incarne, vous fûtes tué, sans raison, le 1er novembre 2004, en Béarn. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Sensibilité plantigrade aujourd'hui avec l'histoire de l'ours Canel dont nous allons parler avec notre invité Jean-Jacques Camara. Bonjour. Bonjour. C'est en duplex dans les studios de France Bleu à Pau. On vous a cité dans le récit. Alors je précise quand même que tout à l'heure, en introduction, lorsque j'ai parlé d'assassinat, préméditation, mise en examen, c'est la presse hein, qui n'était pas gravé dans le marbre des dossiers judiciaires. C'est la presse qui a emprunté ces formules. Vous êtes ancien chercheur au Centre National d'Études et de Recherches Appliquées sur les prédateurs et animaux des prédateurs, fondateur du réseau Ours Brun de l'Office National de la Chasse en 83. Voilà. C'est pas fini. Réseau dont vous avez été responsable jusqu'à l'année dernière. Et c'est vous qui avez baptisé l'ours Canel. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce joli prénom, ou nom? Déjà, je pense que de donner un nom aux ours, quand il n'y en a pas beaucoup au moins, c'est quand même une façon de les rendre plus accessibles au grand public, aux gens dans les vallées, voilà, d'une part. Donc, pourquoi l'utilité d'un nom? Bien, après, quand il y a beaucoup d'ours, c'est peut-être pas la peine non plus de donner des noms. Mais c'était surtout la couleur de son pelage que j'ai pu détailler lors d'une la première photo que j'ai faite avec un appareil automatique de cette femelle, me donner une couleur qui ressemblait bien sûr à la cannelle. Donc voilà, et puis je trouvais très beau ce nom. Donc c'est parti comme ça. Alors, la condamnation de notre chasseur René Marquez, 11 000 euros, j'y viens parce que ça dit des choses, évidemment. Alors, il y a légitime défense, ça c'est clair, on peut estimer d'un point de vue humain qu'on aurait tous réagi de la même façon, mais ce chasseur enfreint les règles, et ça c'est sa responsabilité. Est-ce que cette condamnation, comment vous avez accepté cette condamnation, reçu cette condamnation? Je crois déjà que, bon, évidemment, quand on a un ours qui charge, ben on est tenté d'appuyer sur la gâchette, mais bon, moi, j'ai toujours été dans des pays à ours, que ce soit en Pyrénées, en Alaska ou dans les Andes, il y en a beaucoup. J'ai été chargé une seule fois par un ours et sans fusil, j'ai réussi à le retourner. Hein, en général, ce sont des charges qui ne vont pas jusqu'au bout. C'est un gros bluff. Alors évidemment, quand on n'est pas habitué, on a peur et on appuie sur la gâchette. Mmh. Je pense que ces problèmes sont surtout liés à l'information qu'on doit donner auprès des chasseurs dans les montagnes où il y a des ours, à savoir le comportement de l'animal lui-même, comment il réagit, qu'est-ce qu'on doit faire, et puis l'info sur la présence de l'ours, qui est là ou pas là. Et en l'occurrence, pour Canel, il y avait une ours qui était présente là. Et quand j'entends dans le témoignage de M. Marquez que, bon, elle était là, mais enfin, un ours, ça bouge. Au mois de novembre, ça bouge très peu, les ours. Hein. Quand ils sont repérés dans un endroit, il est fort probable qu'ils vont hiberner dans le coin. Mais quand vous entendez son amertume, d'une part, mais aussi ses remords, cet homme pleure. Oui. Voilà, il est puni lui-même quelque part. Il porte ça sur sa conscience et c'est dur, non? Oui, bien sûr. Moi, j'ai trouvé ça très dur pour lui. Et puis d'ailleurs, lorsque j'ai témoigné au procès, donc je ne l'ai pas chargé parce que je trouvais que pour quelqu'un qui n'était pas nécessairement bien au fait des comportements des ours, eh bien il a réagi de façon normale quelque part, si on peut dire. Enfin, bon, mais je pense que maintenant, dans le Béarn en particulier, ou les Hautes-Pyrénées, il y a une information qui est divulguée, qui est donnée aux chasseurs tous les ans sur le comportement à tenir face à un ours lorsqu'il y a une battue. Et donc ça, ça aide beaucoup, quoi. Et je crois que peut-être ce genre d'événement pourrait intervenir encore, mais avec une fréquence moindre, quoi. Il y a peut-être parmi celles et ceux qui nous écoutent des randonneurs, des Pyrénées, peut-être ont-ils envie de savoir ce qu'il faut faire lorsqu'on rencontre un ours. D'abord, sauf à venir dire à l'ours à 2 mètres que c'est un gros lourdeau, il n'y a pas de danger particulier. Je rappelle que les ours ne se trimballent pas avec un fusil en bandoulière non plus, mais peut-être y a-t-il des dangers. Quels sont les conseils? Alors, en général, les ours... aux heures où les hommes sont en montagne, les ours sont cachés loin dans des recoins très isolés de la montagne, donc il y a très peu de chances qu'on les rencontre ou qu'on les voit. Par contre, ça peut arriver qu'un ours soit dérangé quelque part et qu'il vienne traverser un chemin. De toute façon, l'ours, il sait, lorsqu'il est sur un chemin, qu'il peut rencontrer des hommes, donc il ne sera pas surpris. Et en général, il quitte le sentier, il s'en va. Le souci, c'est surtout avec une femelle et des oursons. Si un des oursons s'écarte, se rapproche de l'homme, ben elle va essayer de le protéger. Et alors, lorsqu'on voit un ours, bon, déjà, je pense qu'il faut le regarder. C'est vraiment extrêmement, c'est très très beau. C'est un des plus beaux spectacles qu'on puisse voir dans les Pyrénées. Et puis, c'est de montrer sa présence aussi, de lui parler. Voilà, l'ours sait très bien ce qu'il a à faire. Il quitte le chemin, il s'écarte. Voilà. Donc, le seul danger, c'est les femelles avec les oursons. Mais comme je vous dis, elles sont dans des endroits très escarpés. Et ce n'est pas un hasard si les accidents, les incidents arrivent surtout à des chasseurs, parce que ce sont des activités qui se déroulent dans des endroits extrêmement isolé, et on va chercher le gibier là où il est, et évidemment, là où il est, mais il y a le l'ours aussi. Est-ce qu'on exagère le danger maintenant pour les éleveurs et les bergers? Je donnais un chiffre tout à l'heure qui montrait que les victimes, les têtes de bétail victimes, ne représentaient que 0,06% du cheptel de la région ou du département. Enfin, c'est peu, quoi. C'est très peu, bien sûr. Alors après, il faut peut-être regarder par vallée, voir certaines vallées sont beaucoup plus touchées que d'autres. Ça, c'est un chiffre général. C'est vrai que c'est très peu. Mais lorsqu'on regarde dans une vallée où là, un ours, parce qu'il arrive parfois qu'un ours devienne très très prédateur, et là, ça peut poser des problèmes. Alors évidemment, le problème est localisé, circonscrit géographiquement, et on essaie de le traiter, l'administration française en tout cas. Cette année, est-ce qu'il est plus important pour les enfants d'avoir du soleil ou de faire du sport? C'est une question que je te pose. Oui, alors là, j'ai une interférence, on appelle ça une interférence, j'entends des choses bizarres dans mon casque. Est-ce qu'à la régie, on peut me dire que ce que j'entends, vous l'entendez à l'antenne également? Bien, est-ce qu'on peut régler le problème maintenant? Est-ce que vous m'entendez, Jean-Jacques Camara? Bien, on va écouter Corb Lund qui chante Grizzly Bear Blues, et nous retrouverons Jean-Jacques Camara juste après, bien sûr. Should I run or should I stand? It's an old debate. 'Cause sometimes it's a bluff charge and then sometimes it ain't. Can they run downhill? Can they climb a tree? Maybe that's just black bears, I can't remember. Let's see. Should I Should I shut up or should I shout and maybe try to scare him off? Well, pretty much most anything I do just piss him off. In the end, it don't matter what you choose to do, of course. When 800 pounds of grizzly bear outruns a quarter horse, well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. Well, I think I read it someplace, they kill only what they eat. So fumble through that guidebook, just how often they eat meat. Well, somebody find some answers, let's do a study of some kind. We'll make it scientific, and let's see what we can find. Cause he looks almost friendly, with that easy ambling gait. But when he decides he's hungry, makes me wanna hibernate. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. You know you don't outrun the grizz. You just outrun your slowest buddy, whoever that guy is. And that cub you found's adorable. He's cute, yes, I agree. And there's only one thing missing, and that's Mama, where is she? Dead horses, they smell 20 miles away. Thomas said it happened on the ranch just this way. Now I'm all for conservation, I say protect the kitchen sink. But this bear don't seem in danger, it might be me that goes extinct. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views. Not too much good news about them bears. Et nous retrouvons notre invité Jean-Jacques Camara à Pau. Désolé pour cette erreur d'aiguillage, ce qui montre, si besoin en était, que les émissions d'Affaires Sensibles sont diffusées en direct avec les aléas qui vont avec. Voilà. Donc on vous a retrouvé Jean-Jacques Camara. Finalement, au bout du compte, comment ça se passe aujourd'hui entre les chasseurs et les ours réintroduits? Est-ce que l'affaire est toujours sensible? Ça dépend des régions des Pyrénées, mais en général, sur les trois quarts des Pyrénées, ça se passe relativement bien. Les chasseurs sont informés. Tous les ans, il y a des réunions avec les chasseurs pour leur faire affaire de la pédagogie sur le comportement de l'ours et comment doit se comporter l'homme face à l'ours lui-même. Et puis, il y a également une information permanente de la part des services de l'État et de l'OFB en particulier, du Parc National, sur la présence des ours, de manière à éviter ce qui s'est passé avec Canel. Enfin, éviter, dire par là, les chasseurs à l'époque étaient au courant de la présence de l'ours à ce coin-là, au moins de Canel, bon, mais ils n'ont pas tenu cas spécialement. Bon, c'est quand même quelque chose qui ne devrait pas se répéter, parce que une femelle avec un ourson, c'est quand même un élément important pour la population, et puis... c'est également un ours qui se défend. Pourtant, en septembre 2017, alors c'est pas aujourd'hui, hein, ça date de 4 ans maintenant, mais enfin bon, en septembre 2017, plusieurs journaux ariégeois ont reçu une vidéo qui vaut le détour. On y voit, on y entend une quinzaine d'individus dans le noir, là, en pleine nuit, cagoulés, fusils et pistolets à la main, façon FLNC. On va en écouter un extrait. Ça fait un peu peur, c'est un peu caricatural, toute glottophobie exclue, bien sûr. Non ! Montagnards d'Ariège, éleveurs, randonneurs, chasseurs, élus, citoyens, disons à l'État, stop, ça suffit. par l'introduction d'ours slovène, puis la création d'une pouponnière, l'État français met en place une gestion du territoire où peu à peu, il limite aux hommes, aux femmes de la montagne, l'accès, la liberté d'être, de faire, de travailler. Alors, nous avons décidé de réouvrir la chasse à l'ours en Ariège. L'Ariège, terre de liberté, est notre passé et sera notre avenir. Alors, le côté caricatural, façon Malraux déguisé en chasseur, c'est effectivement, on a envie de pas prendre ça au sérieux, mais peut-être que c'est également sérieux. Quel est votre sentiment par rapport à ce genre de menace? Je dois dire que c'est d'abord... C'est issu de la part d'une minorité quand même de personnes dans les Pyrénées. Ça provient aussi de régions comme l'Ariège, où il y a un sentiment anti-ours qui est un peu plus développé qu'ailleurs. Mais dans les autres départements pyrénéens, ou même une grosse partie de l'Ariège, la majorité des gens n'adhiennent pas à ces extrémités-là. Quoi, hein. Je vois, les ours sont acceptés dans les Pyrénées-Atlantiques, en Haute-Garonne, un petit peu moins peut-être dans les Hautes-Pyrénées, mais le Pyrénéen, l'homme pyrénéen, le berger même, ou le chasseur, n'est pas contre la présence de l'ours. Alors, je comprends bien qu'il y a un gros souci, parce que ce sont des endroits en Ariège où il y a des troupeaux qui sont assez importants, de brebis, qui sont pas gardés. Donc, évidemment, l'ours a la table qui est dressée, et il vient pour se servir, pour tuer des brebis. Évidemment, ça induit une situation un petit peu délétère. Alors, parfois on dit qu'un malheur est bon. Est-ce que la mort de Canel a été, de ce point de vue, est-ce qu'elle a déclenché une réintroduction des ours efficace? Ah oui, ça a été une réaction immédiate de la part du président de la République de l'époque, Jacques Chirac. Et évidemment, il avait, je crois que c'était la première conférence sur la biodiversité qui se tenait à Paris 2 mois après. Donc il a effectivement décidé d'arranger un petit peu, réparer la mort de cette femelle en annonçant la réintroduction. À l'époque, il avait annoncé la réintroduction de 15 ours. Et en réalité, bon, il y en a eu 5 qui ont été relâchés. C'était en 2006. Nous avons ramené 5 ours, 4 femelles et 1 mâle de Slovénie. Bien, vous avez pris votre retraite l'année dernière du réseau Ours Brun. Quelle a été l'œuvre du ROB, réseau Ours Brun? Alors, le réseau Ours Brun, c'est une structure officielle du ministère de l'Environnement, mais qui travaillait au sein de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et aujourd'hui au sein de l'Office français sur la biodiversité. Et c'était vraiment la seule structure officielle de suivi. On était, bon, 450 personnes, bon, pas en permanence, bien sûr, sur le terrain. Hein, on est 2 ou 3 à gérer tout ça, et puis on prend des itinéraires et sur le terrain, et puis on recense les ours avec différentes méthodes indirectes, puisqu'on les voit jamais, avec des appareils photo automatiques, avec la génétique, voilà. C'est un suivi qui vraiment s'opère depuis maintenant très très longtemps. C'est un suivi qui va prendre peut-être maintenant un peu plus d'importance, parce que comme on voit là qu'il y a des ours qui ont été cette année, 3 ours ont été tués, donc ça nécessitera un suivi encore plus rapproché pour voir quel est le devenir de cette population et quel est l'impact réel de l'homme. Alors on a de la chance d'avoir su ce qui s'était passé, mais certaines autres années, peut-être qu'on n'a pas su réellement ce qui s'était passé. Effectivement, 3 ours ont été tués très récemment, dont un fin novembre. Il me reste à vous remercier, Jean-Jacques Camara, pour vos éclairages et votre témoignage. Au revoir. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. L'ours Canel, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles des sites de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. À la technique aujourd'hui, il y avait Kevin Pelot.